Somatic system. Yeah, we know. Trees, mushrooms. System. Family. Somatic des interactions, revenir à la source radicale. Baby, my love. Difficult, but understand. Akrasi, j'ai compris. Le problème, revenir aux sources radicales, aux roots. Me and the system. My family and my sister. Understand. Difficult for me to application. Akrasi. Platon. Thank you, Darwin. Thank you, network. Thank you, Darwin. Me and the system. Me, you and me in the system. Déterminisme, structuralisme, génétique. Moi et le système. Possibilité d'une contre-attaque. Possibilité d'une contre-attaque. de conscience déjà. C'est le début. Les océans, cinq doigts moi aussi, je se croit un peu. Je se croit un peu. Les oiseaux, les cascades. Moi aussi. Five fingers. Roumain, Serbe, Croate, en France, on accueille, ouais, les enfants. Putain, bidonville, des bidonvilles, il y en a à Toulouse, sud. De la France, il y a des bidonvilles à côté. Du parc des expos, il y a des bidonvilles. Demain, dix doigts. Demain, dix doigts. On peut se croire égaux. Cinq doigts en haut. Une bite de couille, putain. Des humains, on est fait pareil, pas le même statut. Christophe Colomb a posé un genou en Amérique du Sud. We'll be right back. de naissance. On est tous universels. Possibilité. De créer. Two hands. We'll be right back. Non mais désolé, alright then. We are alright then. Thank you. Yes. Public yeah, room. Thank you. Yes. Thank you. Thank you.

We'll be right back. Thank you.